As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salutations à tous et bienvenue à un 71e rendez-vous de Subversion en ce 17 février 2017. Ouais, 7-1-1-7-1-7. J'ai pas fait exprès. je suis Sylvain Alto, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Comme toujours sur le stream de Underground Québec, ça me fait plaisir d'être encore avec vous, ou ben non, dans vos camions respectifs, hein, si vous nous écoutez en différé, sur SoundCloud, via SoundCloud, et où vous pouvez trouver d'ailleurs l'épisode de la semaine dernière, oui, celle où on célébrait les 30 ans de la toute dernière émission de Metal Militia à CIRC, qui avait eu lieu à la Saint-Valentin 1987, épisode de Subversion, où on a reconstitué plus ou moins cette fameuse dernière émission, qui était vraiment, ma foi, très fort probablement la plus heavy du nord-ouest québécois. Et puis, je vous en parle encore. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la semaine dernière, je n'avais pas réalisé qu'il y a 30 ans également, le même soir, au moment où je faisais la mise en onde à CIRC, pour cette 72e et dernière émission de Metal Militia, se produisait également à Montréal, au Spectrum particulièrement, ce qui était la deuxième date du Nuclear Impact Festival qui avait été organisé par le Réseau Rock à Québec et Metal Co., les productions Metal Co., en conjointement. Festival qui mettait à l'affiche Dark Angel, Crumbsuckers, Aggression et Genocide pour le jig à Québec et Countdown Zero en ouverture en remplacement de Genocide pour la date à Montréal, ce fameux 14 février. Alors, il y a 30 ans, à Saint-Valentin 87, un événement qui a marqué sans doute plusieurs des hordes de metalhead dans la ville de Québec et de Montréal. Et pour nous en parler, durant l'émission, on va entendre, il va y avoir premièrement un bloc consacré à toutes les à ce festival, à l'historique, aux formations. Et également, justement, pour nous en parler, on va entendre nos amis Denis Barth, alias Sasquatch, hein, d'Aggression, en direct de la Colombie-Britannique, qui va nous faire part de ses souvenirs relatifs à ce week-end particulier, autant sur scène qu'en arrière-scène, que sur la route. Et lui qui a côtoyé les membres de Dark Angel, de Crumbsuckers, alors quelques histoires à nous raconter. Et également, du point de vue logistique et événementiel, la chose est, entre autres, eh bien, notre ami Johnny Hart, des productions Metal Call lui-même, nous fera part, pour sa part, de ses souvenirs et observations de ce fameux week-end. Alors, surveillez ça, ça promet. Outre cela, on va avoir une couple de blocs musicaux qui vont être consacrés, entre autres, à quelques nouveautés. Des nouveaux albums, des nouveaux arrivages en 2017 pour Overkill, Sinister et Aeternam, une formation de Québec. Et quelques autres choses. On va jaser un petit peu vers la fin de quelque chose qui a fait jaser. Cette manifestation particulière qui s'est déroulée à la voix de façon surprenante dimanche dernier. On va avoir un petit mot là-dessus vers la fin. Alors, tout ça pour l'émission d'aujourd'hui. On va commencer ça avec un premier bloc où est-ce qu'on va entendre justement une nouveauté de Overkill qui nous arrive avec un nouvel album du nom de The Grinding Wheel. Également, une formation portoricaine qui a déjà joué à l'émission Le Bourreau Métallique il y a une quinzaine d'années à la sortie de leur album Union. On parle de la formation Pouya. Mais d'abord, une formation obscure quand même de Suède. Midas Touch, qui avaient été une des nombreuses formations à apparaître sur les compilations de Noise à l'époque, pour ceux qui se souviennent, les compilations Doomsday News, particulièrement en ce qui les concerne, le tome 2, paru en 89. Et également, la même année, ils ont fait paraître cet album Presage of Disaster. Alors, allons écouter tout de suite une pièce de cette formation de Uppsala en Suède, Midas Touch, avec Forcibly Incarcerated, à Subversion sur Underground Québec Radio. que a ti te tienen durmiendo. Como el que tú no ves que a ti te tienen durmiendo. Y como el que tú no ves que a ti te tienen durmiendo. Vous êtes à l'émission Un Classique en compagnie de ce malade mental qui est le Dr. Pendragon. Ben, ça peut m'arriver d'avoir certains écarts de conduite et comportements étranges. Ne fais pas de moi un malade mental. Ben, écoute, là, t'es en train de lire le Père et Gimbal, là, quand même. Ben, hey, franchement, je suis en train de te le lire en plus, puis t'es captivé autant que moi. On vient d'entendre Overkill. Oui, une des formations pionnières dans le speed metal, le thrash metal, le heavier metal, whatever you want to call it. On a entendu la pièce The Wheel, qui est une des très bonnes pièces de ce nouvel album, qui est un 14e, si je ne me trompe pas, pour Overkill. Non, c'est un 19e album, quand même. C'est quand même, oui, considérable, hein, pour une formation que beaucoup de néophytes dans le métal ne connaissent même pas l'existence. Il aurait pu faire partie du Big Four, mais bon, c'est un groupe qui a eu, un des groupes les plus constants, si on veut, en termes de productivité et de d'intégrité, si on veut, de style aussi. Ce nouvel album n'est pas une surprise. Ils sont toujours au même niveau, c'est-à-dire excellent. Et si on compare ça au dernier Metallica, ça se compare même pas. Je comprends pas encore pourquoi cet engouement envers le dernier Metallica. Quoique ça a pas pris ben temps avant que plus personne n'en parlait, là. Il y a eu quand même des très bonnes sorties là, entre-temps. Là, là, Testament, Sepultura, Overkill, oui, ça existe. Hein? Bon, ok. trêve de cynisme ici, ben. Ouais. Je vais se prendre une gorgée de café. Non, non, ça va. OK. Donc, on a entendu Overkill, The Wheel de l'album The Grinding Wheel. The Wheel? C'est vraiment ça, le titre de la toune? OK. Bon. All right. Ouais, c'est sorti le 10 février sur Nuclear Blast et ils ont fait appel à Andy Sneap, nul autre, ce maître mixeur. Ouais, pour travailler sur cet album avec eux. Alors, album fort recommandable pour les amateurs. Sans surprise, mais toujours... ouais, ça, c'est un album qui aura une bonne cote. Ouais, du bon matériel d'Overkill. Avant ça, on avait eu Puya, formation portoricaine qui avait été fondée en 91. Il sortait ce troisième album en 2001 du nom de Union. On a entendu l'extrait Numbed. Il propose un mix quand même assez intéressant et versatile. Autant de la salsa que du métal progressif. Il y a du rap, il y a du jazz, il y a du... Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Ils réussissent à le faire de façon fort efficace, je trouve. Moi, ça m'a. J'ai accroché sur cette pièce-là en particulier. Ouais, sur cette pièce Numbed de l'album Union. Eux qui ont trois albums seulement. Puya en 95, Fundamental en 99 et Union en 2001. Bon, finalement, c'est mort ce projet-là. Simplement à cause que les ventes étaient en dessous des attentes pour la compagnie de disques MCA avec laquelle ils faisaient affaire à ce moment-là. Puya, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Carlos d'Anonymous qui m'a fait entendre ça la première fois, comme par hasard. J'avais été visiter. J'avais été le voir au local d'Anonymous pour une entrevue. Il me semble que c'est ça qui jouait dans le tape en arrière. J'avais été intrigué. Je suis pas mal sûr que c'est ça, Puya. Et notre ami Simon Girard, lui, a diffusé un extrait de cet album Union également à l'été 2001. Alors, ouais, Puya. Pour les intéressés, c'est formation de Porto Rico. C'est sorti en juin 2001, cet album. Et c'était précédé, évidemment. Dans ce qu'on a entendu finalement en début de bloc, Midas Touch, formation suédoise, qui en 1989 proposait leur album, le seul et unique, Presage of Disaster. On a entendu l'extrait Forcibly Incarcerated. Et sinon, vous avez peut-être entendu ça par hasard, c'est une des compilations de Noise Doom Day News. Et puis, juste à noter comme ça, le vocaliste sur cet album, Patrick Wirin, a fondé plus tard une autre formation suédoise que peut-être certains ont déjà entendu, Misery Loves Company, qui avait été fondée en 1993 et supposément reformée en 2016. Je vous présente maintenant cette portion consacrée à cet événement qui a eu lieu au week-end de la Saint-Valentin 1987. Le Nuclear Impact Festival, qui mettait en vedette Dark Angel, Crumbsuckers, Aggression, Genocide et Countdown Zero, les deux dernières formations de Québec et de Montréal qui ouvraient pour leurs villes respectives. Je pense que Genocide devait faire Montréal aussi, mais ont été remplacés là, par Countdown Zero. Et les deux compagnies de production conjointes pour cet événement, le Réseau Rock et Metal Co., les productions Metal Co. de Johnny Hart, aimaient donner la chance à des bandes moins connues d'ouvrir pour des événements comme ça. Bref, dans cette intention, ils ont réinvité Countdown Zero qui avait ouvert pour Possessed à Québec l'année d'avant. Je pense que c'était à l'été 86. Et puis, c'est ça. Puis, il y avait eu des bonnes réactions, alors ils ont réinvité Countdown Zero, dont figurait Jacques Dupuis, un ex The Absurds, qu'on a vu plus récemment dans la formation, le projet actuel de Eddie Shiny de DBC, Kill of Rights. Vous savez, l'autre guitariste, c'est lui. Alors, lui, il était dans Countdown Zero, il était là ce soir-là. Alors, sans doute, une soirée mémorable pour lui. Et c'est un événement qui faisait suite à d'autres qui ont précédé, hein, le Banzai Festival, le World War III, le No Speed Limit Weekend. C'était comme une tradition qui se poursuivait à ce moment-là. Alors, ceux qui habitaient dans le coin ont été vraiment gâtés. Moi, c'est incroyable ce que j'ai pu manquer juste parce que je restais à 666 km. Bref, je suis pas là pour me plaindre, mais je sais pas. Heureusement, on a pu. Qu'on peut se référer à des personnes des intervenants ou des personnes qui étaient là, hein, soit sur la scène, soit backstage, soit sur la route ou à la console ou moi quelque part dans le trash, dans le pit. Hein. En passant, merci à notre ami journaliste Ronald McGregor du magazine Pop Rock qui vient juste de me faire parvenir ce communiqué justement concernant l'événement, communiqué de Metal Co. Productions. Merci beaucoup pour les détails. Et je vais vous en reparler un petit peu plus loin dans ce qu'on on va entendre. Premièrement, une entrevue réalisée avec Denis Barthes alias Sasquatch, de la formation Aggression qui est active par les temps qui courent. Et on va l'entendre nous parler de ses souvenirs relatifs à ce fameux week-end, ses observations par rapport à ces groupes qui l'appréciaient particulièrement, Dark Angel, The Crumbsuckers. Et a découvert certaines choses, des drôles d'anecdotes à raconter aussi par rapport justement à ces deux formations qu'il a côtoyé durant le week-end et des événements qui sont survenus sur la route aussi également. Et un peu plus loin aussi, après l'entrevue avec Johnny Hart, je vais vous en parler à la prochaine intervention. On va revenir avec Aggression pour les dernières nouvelles. Donc, on va entendre Denis à deux reprises, donc deux portions d'entrevue avec Denis. Alors, dans ce bloc, c'est-à-dire après l'entrevue, on va entendre Crumbsuckers et Dark Angel, justement. Et puis, pour revenir avec Johnny et finir avec les deux autres formations, Genocide et Countdown Zero, pour revenir avec Aggression. Bref, transportons-nous... d'une certaine façon, non pas seulement dans le temps, mais dans l'ouest du pays, pour parler avec notre ami Denis Sasquatch Barthes à propos de cet événement qu'il a vécu lui-même sur scène et en arrière-scène, ce Nuclear Impact Festival de la Saint-Valentin 1987. Bon, nous avons au bout de la ligne ce qui est en train de devenir justement un invité régulier à Subversion, pour ne pas dire un VIP. Hein? Denis Sasquatch Barthes d'Aggression en direct de la région de Vancouver. Salut Denis. Salut Tower, comment tu vas? Ça va pas si pire malgré les inconvénients au quotidien que l'hiver peut nous procurer dans la ville de Montréal, le Kingdom des cônes oranges finalement. Ouais. Je comprends ça. Aujourd'hui, je voulais surtout que tu me parles, en fait, d'un souvenir de février 87. À la dernière émission de Subversion, on a parlé d'une émission de radio qui a eu lieu, une émission historique sur les ondes de CIRC à Rouyn-Noranda, où Aggression, entre autres, est un des bands qui s'était illustré sur les tables tournantes pour la dernière émission régulière de Metal Mystica que j'animais en février 87, le 14 précisément. Et le même soir, il y avait un événement à Montréal. Alors, en fait, ça se déroulait sur deux dates, à Québec puis à Montréal, mais principalement à Montréal, le 14 février, avec justement Aggression en compagnie de Dark Angel, Crumb Suckers et Genocide pour le Nuclear Impact Festival. Et puis, je pense que ça s'imposait que je t'appelle justement pour que tu me partages un peu tes souvenirs de ce week-end-là, si t'as toujours encore des souvenirs, évidemment. Je sais que t'en as. Ben, justement... depuis que je sais qu'on allait en parler, je vais essayer de me rappeler de mes souvenirs quand même flous là, de cette fin de semaine-là, mais il y a des affaires qui étaient arrivées cette fin de semaine-là. Fait que non seulement eu des impacts pour Aggression après, ouais, mais aussi des choses qui sont arrivées là, qui m'ont marqué que je me rappelle encore là, 30 ans plus tard. Ouais. La première anecdote que je voulais te parler, c'est que le premier show, c'était à Québec. Fait que on est arrivé là dans l'après-midi, on était déjà sur le party pas mal, mais on a rencontré les gars de Crumb Suckers, puis les rencontré les gars de Dark Angel, puis bien sûr les gars de Genocide, on les connaissait déjà. Mm-hmm. Je me souviendrai toujours, j'étais en train de préparer ma guitare pour le spectacle, et moi, je change tout le temps mes cordes à la dernière minute. Ah oui. Puis j'aime pas ça jouer avec des cordes neuves, mais en tout cas, je t'ai pogné, là. Puis Gaétan Bourassa, Gate, le drummer d'Aggression, il dit, il vient voir, hein, il dit, Tony, viens voir ça. Puis je dis, ben man, là, je suis en train de il dit, non, il dit, ça vaut la peine. Fait que, je mets mon manteau. Fait que je mets mon coat, on sort dehors. Il y avait peut-être... je dirais peut-être 2-3 pieds de neige à Québec là, ce jour-là. Puis je me souviens toujours, il y avait Gene Oglin de Dark Angel. Ouais. Qui s'en venait du poulet frit Kentucky. Ouais. Avec un baril 20 piastres. puis il mangeait ça comme des chips. Ouais. Puis dans le temps, Gene, là, il était comme. Ben, il était plus gros que moi. Il devait peser au moins 350. Il avait 18 ans, puis en plus, il mangeait ça comme des chips, puis il était en gogoon avec des bermudas, avec les pieds dans la neige jusqu'aux genoux, mec. Fait que là, le Gate, il dit, Gate ne parlait pas anglais super bien. Là, ouais. Là il dit à Keane, il dit, tu vois, mets des bottes. Là, Gate, le gars, vous l'avez, tu sais, what the fuck, c'est quoi ça veut dire, mets des bottes. Fait que, on vient juste de jouer avec Zimmer's Hole cet été, puis Gino Good, c'est le drummer de Zimmer's Hole, puis il me rappelait cette histoire-là. Ah oui. Que, puis il dit la première affaire dans sa vie qu'il a appris en français, c'est mettre des bottes. Ok. Ah, fait que, c'est des histoires de même, puis je t'en rappellerai tout le temps, tu sais. Oui. Ben, c'est ça, il a mangé son baril de 20 pièces, son format familial. Là. Ah ouais. Il mangeait ça comme des chip lays, c'est incroyable. Puis la deuxième anecdote que je me souviendrai toujours, c'est que je me rappelais pas. Ben, on écoutait déjà Crumb Suckers, l'album Life of Dreams. Tu sais, ouais. Ça faisait partie de. Tu sais, c'est un album excellent, là. Puis comme. Crumb Sucker, Agnostic Front, Cro-Mags, Nuclear Assault, c'est toutes des bandes là, qu'on. Ça, c'était dans notre quotidien, on écoutait ça là, vraiment tous les jours. Mais j'étais pas capable de croire comment les guitaristes étaient vraiment bons. Tu sais, comme. Fait que je me suis assis avec les deux guitaristes de Crumb Sucker, commencé à parler de musique avec eux autres, puis j'ai dit, tu sais, c'est dans un band hardcore punk, là, puis on dirait que tu joues à la Randy Rhoads, tu sais. T'es vraiment, tu sais, le gars me disait, ah ben moi j'ai appris la guitare, j'écoutais du Yes, puis du Genesis, puis Emerson, Lake & Palmer. Moi j'étais, puis il disait que c'était un band progressif depuis, avant d'être dans Crumb Suckers, j'étais dans un band progressif rock, tu sais. Ah oui. C'est là que j'ai compris, dans le fond, que tu peux prendre n'importe quel style de musique, puis l'incorporer dans le métal, hardcore, tu sais, dépendamment de ce que t'as appris comme musicien. Je peux pas savoir, Tower, comment ces gars-là étaient bons guitaristes. incroyable. Tu sais, à la Steve Howe, là. Ah oui, tant que ça, oui. Puis en plus, il y avait une genre de. Il y avait des guitares acoustiques backstage, puis il faisait des jams. Tu sais, je vois des choses, des affaires comme Mood for a Day, de Yes, puis The Clap. Tu sais, donne-moi jamais. Tu sais, premièrement, donne-moi une guitare acoustique, je ne saurais pas quoi faire avec. Deuxièmement, tu me demandes de jouer n'importe quoi, à part Stairway to Heaven, puis House of the Rising Sun. Moi, je ne vois pas ça de la guitare acoustique. Non. Fait que de voir ces gars-là, là, exceller comme ça, là, à guitare, c'est incroyable, man. C'est tout un party backstage. C'est vrai que ça se ressentait sur Crumbsuckers, Life of Dreams, justement, l'album. Là, c'est vraiment une belle fusion de style qui était vraiment incorporée, comme tu dis, avec l'espèce de hardcore. C'était comme un nouveau crossover. Mais toi, tu as eu la chance de ouais. voir live et tout, là. Moi, c'est ça. C'est eux autres, toutes ces bandes-là, dans le fond, c'était crossover. Mais dans le temps, on dirait qu'on ne savait pas que ça se passait, tu sais. Parce que quand tu es dans le moment, tu sais, OK. Aggression sont un peu crossover, mais pour nous autres, il n'y avait pas de différence d'écouter du Dead Kennedys ou du Slayer. C'est que ça, c'était pas comme on disait pas, oh, on va essayer des crossovers. On dirait que ça arrivait sans qu'on le voulait, tu sais. Mm-hmm. Puis en plus, non seulement ces fins de semaine-là, là, ben, comme les amitiés avec Gene Oblin, les autres gars de Dark Angel, puis les gars de Crumbsuckers, puis. C'était la dernière fois qu'Aggression a joué les cinq gars ensemble, tu sais. Quand on est revenu de Québec, non seulement j'ai pogné le fossé le dimanche entre la Favin, ben justement à Drummondville, vraiment. Ah oui. On avait fait la fête assez tard le matin. OK. On avait dormi comme 2-3 heures, puis l'autoroute était vraiment glacée, puis à moi... Je sais pas que j'étais rendu avec une chevette, puis une petite chevette. Puis c'était moi, puis il y avait deux roadies d'Aggression avec moi, puis c'est ça, on a comme glissé sur l'autoroute, puis on était dans le fossé. Puis un camion remorque qui a dû sortir de là. Mais en tout cas, la conversation que j'ai eue avec ces roadies-là dans ce retour-là, c'est dans ce moment-là qu'on avait pris la décision, peut-être, que Butcher puis Bird, ou un des deux, ou peut-être les deux, là, ça faisait plus avec la glace, là. OK, ouais. Fait que, toute une fin de semaine, mon ouais. temps. Et curieusement, pourquoi j'ai un peu de misère à t'imaginer dans une chevette, Denis, à ce moment-là? Mais, ouais, c'est ça. Tu vas rire, mais on dirait que ma chevette, on dirait que c'est comme un truck pour moi. Ouais. on avait tout le temps comme 7, 8, 9 personnes là-dedans, puis je sais pas comment ça se fait qu'on foutait là-dedans. Là, ah, mais, ouais. Ça. En parlant de Dark Angel, c'était dans le fond, c'était un peu un groupe qui était un peu comme un genre de modèle pour vous autres en même temps. Vous avez eu la chance de les voir jouer, puis de voir particulièrement la machine Gene Oglin opérer. Bon, ben, c'est sûr, Gene et Gaëtan, tout de suite, l'habitude tout de suite. Là. Oui. Les deux jouaient d'une façon quand même assez similaire, parce que les deux frappaient quand même assez fort. Là. Ouais. Ben, tout de suite, le respect, puis tu sais, les deux, ils ont passé la fin de semaine ensemble. Puis, tu sais, Gaëtan était pas super bon en anglais, mais ils ont eu du fun ensemble, puis, tu sais, ils donnaient des trucs de drummer. Puis, dans le temps, tu sais, pour jouer du speed de dalle, là, c'était juste jouer plus violent, puis plus fort, tu sais, il y avait pas de technique. Vraiment, là, c'était juste, tu y allais, puis tu faisais ce que tu pouvais. Oui. Mais, c'était sûr, puis, l'autre affaire pour nous autres, c'est que, en plus, ils sont arrivés avec leur nouveau chanteur, Ron Reinhardt, je pense son nom. Ouais. Puis on était bien des fans de Darkness Descent, puis on c'est comme si, mettons, Paul Di'Anno est ton héros, puis là, tu fais un premier show avec Iron Maiden, puis c'est Bruce Dickinson qui se présente. T'sais, on dirait qu'on était un peu restreint de communiquer avec lui. On dirait que c'est bizarre, mais on dirait que ça, on était quelque chose. Je pense que le chanteur, c'était Dan Doty, oui, c'est exactement. Puis j'avais parlé avec Eric Meyer, le guitariste de Dark Angel, puis il dit, ah, ben, le gars, Il est jamais là, on peut jamais compter sur lui, il a jamais une scène. Les affaires qu'on vivait des fois nous autres avec Aggression, là. Je comprends le changement, mais ça c'était plus Dark Angel, Dark Angel, parce que le vocal était totalement différent. Ça a pris un peu de temps à s'ajuster, puis bizarrement, j'ai parlé à tous les gars de Dark Angel cette fin de semaine-là, à part Ron Reinhardt, puis tu sais, j'ai rien contre le gars, puis mais aussitôt que quand Leave Scars est sorti, j'étais pas aussi vendu qu'avec Darkness the Sam. Ouais, je comprends le feeling, ça m'a fait un peu ça, moi aussi, au départ. Tu sais, parce que tu viens cacher un son, un certain feeling, mm-hmm, qu'un groupe te donne, puis une fois que tu te vois là, et que sorti du concept musical de Dark Angel, on dirait que ça m'a moins marqué. Puis quand que Leave Scar est sorti, j'ai tout fait pour essayer de d'embarquer cet album-là. Puis regarde, même encore aujourd'hui, là, je l'écoute jamais. Puis j'écoute Darkness Descends, puis j'écoute We Have Arrived, avec le premier album. Ouais. Mais c'est bien rare que je vais mettre Leave Scar. Si je vais mettre Leave Scar, c'est pour me rappeler que je ne l'aimais pas. Ouais. Concernant Aggression, en ce qui concerne votre prestation, que ce soit au Spectrum ou à l'autre place, comment a été perçu votre show? Puis toi, comment tu te sentais sur le stage, la réponse de la crowd là-bas, comment c'était? Te rappelles-tu? Ben, c'était excellent. On dirait qu'on était rendu maintenant là, héros local. Ouais. C'est vraiment parce que je me souviens dans le temps. Aggression, on était tout le temps comme les sous-aimés des producteurs, des gérants. On dirait que, tu sais, comme même Maurice Richard, que je suis super gentil en passant, mais on dirait des fois, il était pas capable de réaliser qu'on était capable d'amener du monde à un spectacle, mm-hmm. Parce qu'il y a vraiment, il y avait Voivode, puis Voivode, tu sais, c'est Voivode, il n'y a rien à dire contre eux autres. Mais on dirait qu'on n'était pas capable de participer. Tu sais, comme le World War III, il y avait des discussions qu'on devrait peut-être jouer. Oui. Mais non, Aggression n'est pas prêt, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, on avait joué des spectacles, je me souviens, au Rising Sun. Je pense que la capacité au Rising Sun, c'était 300 peut-être. Puis il y avait une ligne dehors. Je pense qu'il y avait 300 dehors, puis 300 en dedans, tu sais. Fait ouais, que, ouais. Je pense que quand on est arrivé au show de Dark Angel, surtout au Spectrum, là, on avait vraiment atteint le statut héros local. Quand on est embarqué sur le stage, je me souviendrai plus tard. Je suis pas mal sûr qu'on avait commencé le show avec Final Massacre. Mm-hmm. Puis, c'est comme un genre d'ovation. Tu sais, tu commences à jouer, puis là, le monde... Ouais, ouais. c'est vraiment un feeling incroyable, là. Ah, ouais. What? Sounded. gotta pay, make the break. Give us again, a half an hour in your mind. Civilized guns, with no wisdom, we find a way to end the earth. lived out in the book. I'm sorry, Kennedy. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Entendre deux pièces de la formation new-yorkaise Crumbsuckers, de cet incontournable Life of Dreams de 1986. On a entendu Face of Death et Schitt's Creek. Ouais, deux pièces parce qu'elles sont quand même relativement courtes, les pièces, et qui met en valeur justement là, tout le musicianship de ce groupe-là. Hein. En termes de crossover, si on veut, s'il rentre dans ce contexte-là, il était vraiment, comment dire, il faisait figure à part vraiment, était en avance sur ses, sur leurs contemporains à ce chapitre. Et on fait très bonne figure apparemment à ce festival Nuclear Impact de 1987, oui, il y a 30 ans, le 14 février 87 à Montréal et la veille le 13 à Québec en ouverture pour Dark Angel. C'était précédé justement de Dark Angel, hein, formation californienne, de leur deuxième album Darkness Descends, qui est un éternel classique du speed thrash metal, évidemment qui est paru en novembre 86, un mois après le Ring in Blood de Slayer. Alors celui-là, malgré son potentiel, malgré la stature du band et tout leur, comment dire, le haut calibre en la matière, je trouve qu'ils ont passé très inaperçus quand même si on compare aux autres bandes comme Slayer, comme Anthrax, Exodus et tout ça. Bref, on a entendu Merciless Death. Oui, qu'ils avaient reprise, hein. Qu'on avait entendu sur le premier album, mais We Have Arrived, mais là, ils l'ont vraiment accéléré pratiquement deux fois la vitesse avec Gene Hoglan à la batterie. Donc, ouais, c'est un album qui est encore considéré comme un des musts de son époque aujourd'hui par les nombreux observateurs, musiciens, experts et tout ça. Ouais, je voulais te dire d'autres choses à propos de Dark Angel. Je vais y revenir parce qu'avant on avait eu Aggression avec The Final Massacre de 1987 qui, selon notre ami Denis Barthes, Sasquatch dans l'entrevue, mentionnait que c'était la pièce avec laquelle ils avaient commencé ce concert au Spectrum. C'était tiré de l'album de Fall Treatment qu'ils avaient enregistré à l'automne suivant avec un autre vocaliste, par contre, Cactus Pete, hein, Pierre Florent. Et puis, c'est Gate qui avait enregistré le drum là-dessus, et non un nommé Stéphane Prudhomme, crédité pour la batterie. Mais c'est vraiment Gaétan Bourassa qui avait enregistré. Ils avaient enregistré ça justement au Studio Victor à Montréal à l'automne 87. Concernant Dark Angel, Gene Hoglan avait déjà... c'est parce que Denis parlait justement du jeu de batterie de Gene et de Gate justement. Que les drummers de métal extrême à l'époque, ils allaient vraiment à fond la caisse et les détruisaient littéralement leur caisse, c'était le cas de le dire. Ça fessait fort, ça vergeait fort dans le kit de drum, et il avait déclaré, Gene, à l'époque, que ses premiers kits de drum avaient vraiment souffert de ces abus de frappe-là à tout casser. Et puis il a mentionné dans une entrevue une quinzaine d'années après qu'il utilisait encore son fameux Pearl gris qu'il utilisait à l'époque de Dark Angel dans une entrevue sur le webzine Voices from the Dark Side. Peut-être une quinzaine d'années après. Et puis Gene mentionne également par rapport à la ville de Québec, en tout cas lui il en avait conservé des très bons souvenirs. Il a mentionné que pour lui c'était comme un choc culturel de se retrouver à Québec, puisque bon, évidemment, vu que le band n'était jamais allé en Europe, se retrouver à Québec, c'est bon, en plein hiver, premièrement, c'est des Californiens qui arrivent dans deux, trois pieds de neige, comme disait Sasquatch. Et puis là, il y a tout l'apparence du vieux Québec, tout ça. C'était comme se retrouver en Europe soudainement, tu sais. Je pense qu'il. Il était peut-être allé au Mexique avant ça, je me trompe pas. Bref, en tout cas, c'était comme un culture shock, comme on dit. Et on fait mention aussi des filles de Québec qui étaient particulièrement jolies, selon lui. Et qui, vu qu'il faisait très froid là-bas, c'est ça, il avait remarqué justement les joues rosées par le froid de ces jolies filles. Alors, c'est ça, ce souvenir qu'avait gardé Gene. Et de Montréal, il conserve également des excellents souvenirs, apparemment. Il avait rencontré les gars de Voivode. Au Spectrum. Puis, sans doute de très bons souvenirs de la Saint-Valentin 87 pour Gene Hoglan également. Bon, trêve de blabla et d'informations. On s'en va en pause, puis on revient avec Johnny Hart de Metal Co. Eh bien, bon. Vous avez de la veine, écoutez. Le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, c'est le jeu télévisé le plus enrichissant. Tous s'y amusent ferme, foi de Maître Jacques. Regardez le mercredi à 19h30, Le travail à la chaîne. Jacques Houd, merci. C'est à vous d'y penser, c'est à vous d'y réfléchir, et je vous donne pour ça 10 secondes. Wow, ça fait drôlement plaisir d'avoir Serge Laprade dans le show. Vous savez, après le colonel Sanders, Jim Corcoran et Denis Gaétan Montreuil, bon, On ne peut plus s'étonner de rien. À Subversion, hein? Oui, parce que vous êtes toujours à Subversion sur le stream d'Underground Québec Radio. Toujours dans ce spécial Nuclear Impact Festival de 1987. Je vous présente maintenant cet entretien avec Johnny Hart, Grand Manitou, des productions Metal K.O., du magazine Metal K.O., et également, qui était également gérant de Aggression à ce moment-là encore. Alors, allons-y avec les propos et souvenirs de Johnny par rapport à toute à cet événement de la Saint-Valentin 1987, les souvenirs relatifs à la logistique et à la route et tout ça. Alors, voici cette entrevue avec Johnny. Bon, il m'a fait un grand plaisir de m'entretenir avec mon ami Johnny Hart, qui est en quelque part dans les Basses-Laurentides et qui a vécu, lui, de très près cet événement qui a eu lieu il y a 30 ans, le Nuclear Impact Festival qui s'est déroulé, oui, à la Saint-Valentin le 14, ça s'est déroulé au Spectrum, évidemment, à Montréal, et la veille à Québec le 13, et surtout du côté organisationnel, puisque il travaillait évidemment pour sa propre compagnie, le Metal K.O. Production. Salut, Johnny! Salut Sylvain, ça va trop bien? Oui, ça va bien malgré cet hiver infernal. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Nous sommes ici à notre deuxième partie de la première partie. Ouais. Côté organisationnel, ça semblait-il qu'au niveau logistique, ça n'a pas été de tout repos durant le week-end. Ça n'a pas été super facile, notamment au niveau du transport. Exactement, parce que moi j'avais mettons loué un camion pour mon groupe, pour Aggression qu'on se rende à Québec. Fait que nous, l'aller-retour s'est bien déroulé. Les gars du réseau Rock m'ont dit écoute, t'as pas besoin de louer un camion pour le lendemain. On arrive avec Dark Angel, Crumb Suckers, on va ramasser Aggression en même temps, on s'en va tout au Spectrum. Fait que nous, on s'est couché, je me souviens plus, je pense à 4h du matin, c'est pas plus tard, totalement brûlé dans le logement que j'avais sur la rue Bélanré dans ce temps-là avec tout l'équipement au deuxième étage. Puis vers midi en heure, je me souviens plus, écoute comme on parlait, ça fait 30 ans de ça, j'ai reçu un coup de téléphone du Spectrum m'avisant qu'il n'y avait pas personne d'arriver sur place, donc on commençait à être un peu nerveux. Moi, évidemment, n'ayant pas d'affaires, celle-là n'existait pas. J'avais pas de nouvelles des gars du réseau Rock. Je savais qu'est-ce qui se passait. Si je me souviens bien, il était en panne sur la 20, donc il n'y avait pas de cabine téléphonique de disponible ni rien. Fait que pour assurer le personnel du Spectrum, je leur ai dit que j'allais m'arrêter pour arriver avec Aggression sur place pour qu'on puisse au moins nous faire notre soundcheck. Fait que évidemment, il a fallu que je me débrouille cette journée-là. Je crois que c'est mon frère et un de ses copains qui sont avec une ou deux voitures puis des remorques. C'est comme ça qu'on s'est présenté au Spectrum. Fait que ça a rassuré au moins les gens là-bas, au moins qu'on soit là. Puis comme je dis, c'est vers la fin de l'après-midi que réseau Rock est arrivé au Spectrum finalement, et c'est là qu'on a appris qu'il y avait eu un bris de camion et etc. etc. Ah, ouais. Fait que, comme on dit, le spectacle a eu lieu, puis je pense que c'est ça qui comptait finalement. Je pense que probablement parmi, comme de nombreux autres adeptes à ce soir-là ou ces deux soirs-là, tu as été impressionné par la performance de Dark Angel. Oui, absolument. Mais, mettons Aggression, comme si on jouait évidemment du speed metal, donc on était quand même habitué à voir les musiciens, comme on dit, évoluer dans ce genre de musique, mais Dark Angel, réellement, c'était très, très rapide et un batteur absolument incroyable. Je pense que même Gate était un peu jaloux. Fait que, non, il y avait un style aussi à lui. Si je me souviens bien, c'était tout de même aussi une pièce d'homme. Là. C'était pas un petit freluquet comme moi, on va dire. Fait que c'est encore plus impressionnant de le voir jouer. Mais non, c'est ça surtout qui nous avait beaucoup impressionné. Et Crumb Suckers aussi, évidemment. un excellent son de guitare, ça aussi, ça... Non, c'était, je pense que c'était un spectacle qui avait des bonnes chances de défoncer des tympans, sinon les murs. Hein, ouais, absolument. T'avais raison à propos de Ginobili en passant. Phénoménal dans tous les sens, autant au niveau de son talent que de sa stature, finalement. Aggression, tu disais qu'il y avait de la... une des raisons pourquoi ils ont joué à Québec, c'est qu'il y avait de la demande à Québec pour Aggression, notamment une station de radio là-bas que je pense que c'est Blasphème, fort probablement qui a manifesté un intérêt d'avoir Aggression à Québec. Ben ouais, c'est ça. Ils avaient déjà invité une première fois à faire une entrevue pour l'émission de radio. Fait qu'on avait monté, fait qu'on avait déjà fait une entrevue. On avait présenté, ça doit être notre premier démo, je suppose. Comme ouais. Tu dis, on parle tout le temps, il y a 30 ans et plus. Oui. Fait que, au point que les autres avaient joué ça sur les ondes, et je crois que le public de la ville de Québec ont été de plus en plus intéressés à nous voir jouer là-bas. Oui. C'est comme ça qu'on a pu avoir une première chance de jouer en compagnie de Soulsayer et Yark Sotop. Et puis après ça, le réseau Rock, lui, est arrivé avec une deuxième offre. À l'époque, je refusais jamais une offre où je faisais toujours mon gros possible pour qu'on peut jouer pour que le même si c'était une demi-heure, peu m'importe, du moment que les gens voyaient la performance d'Aggression, c'était ça pour moi qui est important pour partir, comme on dit en anglais, un buzz autour du groupe et autour de la musique qu'on a fait en préparation justement de la sortie de l'album qui allait venir bientôt. Concernant ce festival-là et aussi des précédents où ce que tu t'étais servi de tes nombreux contacts à travers la planète pour faire venir des bandes, est-ce que c'était le même cas pour Dark Angel et Crumbsuckers? Est-ce que c'est toi qui les avais contactés vraiment pour qu'ils viennent? C'est ça, parce que les gars du Rise of Rock, eux autres, il n'y avait pas ces contacts-là. Ils ont passé par... Moi, mettons, même souvent, il y avait des groupes, mettons, on va dire, tu pouvais acheter l'album, dans ce temps-là, c'était du vinyle, des fois, tu avais le contact en arrière, mais des fois, les groupes étaient un peu frileux, c'est le cas de dire, de se présenter au Québec sans avoir comme une référence, voir si c'était sérieux ou quel genre. C'est souvent, moi, soit que avec la correspondance, je m'entretenais avec, je sais pas vous combien de dizaines de groupes dans ce temps-là, sinon, j'étais surtout avec les spectacles Maurice et moi, on a monté, donc notre réputation était quand même assez solide, fait que les gens étaient moins nerveux si on disait que c'était soit Maurice ou ben non, c'était moi qui étais impliqué, fait que les gens étaient... Fait que je pense que c'est ça. À peu près comme je l'ai dit, c'est de mémoire, mais je pense en ça que les réseaux rock m'ont contacté. Je sais pas si c'est eux autres qui ont décidé des groupes ou si c'est moi qui ai suggéré. Encore une fois, là, ça me vient pas à la mémoire du tout. Je serais pas surpris que j'aille faire la suggestion des groupes, là, parce que souvent, mettons, on va dire, quand je fais la correspondance, ils disent, hey, Johnny, écoute, j'aimerais ça le voir à Montréal, là, avec les... J'ai parlé soit avec les gars de Possess, soit avec les gars de Nasty Savage, ou ça, puis ils ont bien aimé l'expérience, puis on aimerait bien ça, nous autres ici, aller jouer à Montréal, puis voir nos fans à Montréal, fait que... C'est ça. Mais comme on dit, encore une fois, je veux pas nécessairement tirer, comme on dit en québécois, la couverte de mon bord, mais la moitié du temps, c'était pas mal moi qui, effectivement, faisais les premiers contacts, parce que j'avais déjà un contact soit avec un des musiciens du groupe ou avec le gérant ou la compagnie de disques. Moi, d'habitude, j'étais plus comme gérant ou même plus avec un membre du groupe. Et puis ça, ben, je pense que cet événement-là devait coïncider à peu près pas mal au moment où le magazine Pop Rock tirait sa révérence et également probablement le fanzine Metal K.O. Je pense qu'il sortait le numéro 10 probablement au début 87, hein? Si je me trompe pas. T'as encore de meilleure mémoire que moi là-dessus. Il y a des, il y a des bonnes chances. Hein, sans ça, peut-être que j'ai oublié de ça, parce que ça, tout ça, tirait sa fin. Puis comme on a déjà parlé, pour moi, c'est la finale de cette aventure. C'est pas trop très bien terminé. Autant j'ai perdu le groupe Aggression, comme tu dis, Pop Rock, en allait, etc., etc. Fait que, il commençait à avoir un peu trop de bisbée dans ça. Moi, maintenant, je m'étais lancé là-dedans par, comme on dit, j'ai jamais eu une scène de tout ça. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai pas été payé pour faire des shows avec mon disque, j'ai pas été payé pour faire ces shows-là. J'étais réellement quelqu'un qui travaillait pour faire connaître la scène underground heavy metal point. Puis je pense que là, tranquillement, ça, c'est en train de disparaître, je veux dire, avec finalement des groupes comme Metallica, Anthrax, Slayer qui signaient avec là, avec des majors. Fait que ça, on dirait que ça changeait un peu la game. Là. C'est sûr que c'est Batman une fois rendu sur une grosse étiquette de 10, un gros label, mais là, il était plus intéressé à venir pour vous pour 500$, on va dire. Non, c'est sûr. Bref, tout ça a été accompli. Finalement, le mot-clé, c'est passion, hein, je pense. C'est ça. Exactement. C'est j'ai fait ça pour ça, pour la passion, pour le comme on dit, soutenir le mouvement underground, finalement. Puis, est-ce que ça a fonctionné? J'ai aucune idée. Des fois, je me pose la question. Je me dis, mon Dieu, il y a combien de bandes, finalement, qui sont restées underground, puis qui aujourd'hui, qui sont plus là? Il y en a peut-être, comme moi, j'ai totalement décroché. Il y en a peut-être encore certains qui sont là, mais, c'était bizarrement à dire. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Tant que c'était underground, justement. À partir du moment où c'est devenu trop gros, tant que ce soit Metallica ou les autres, c'est sûr, c'est parce que pour nous autres, Maurice, moi, le Réseau Rock était des petits producteurs avec des moyens financiers très, très limités. C'était le fun de faire affaire avec des bands underground, finalement, parce que les autres pouvaient être attirés plus facilement à venir jouer, parce que quand tu fais affaire avec un band qui a un contrat avec un major label, comme on dit, là, ça commence à être un peu plus compliqué, les demandes sont plus hautes. Ouais, très certainement. On est pas capable de rencontrer ça. C'est déjà le temps de se quitter. Moi, il faut que je quitte pour le travail et toi pour le sommeil. Hein? Fait que, écoute, je veux te remercier premièrement. La race noble des travailleurs tous les deux. C'est ça. C'est ça. Fait que, ben, en tout cas, je te remercie infiniment pour avoir partagé ce souvenir. Puis bientôt, en mars, probablement, peut-être, on serait dû pour un Metal for Breakfast avec notre ami Wayne Archibald. Excellent. C'est sûr qu'on va être là. Puis ça va nous faire plaisir, Sylvain. Cool. OK, bien, à la prochaine, Johnny. Bonne soirée, attention à toi. OK, merci, bye-bye. OK, bye. Wow, c'était assez intense ça, pour l'époque quand même. Countdown Zero, formation de hardcore speedcore montréalaise qui avait ouvert ce fameux lors de ce fameux soir de Saint-Valentin 1987 dans le cadre du Nuclear Impact Festival pour Aggression, Crumbsuckers et Dark Angel. On a entendu la chanson Countdown Zero, une version live qui est parue sur la compilation de Psyche Industry Records It Came From The Pit de 1985. Donc, ce n'est pas la version, à mon avis, du démo 86 qui a été enregistrée au studio La Majeure, de toute évidence, l'année suivante. Bref, sûrement des très bons souvenirs pour ouais, ceux qui ont vu ça live et les membres de cette formation à ce moment-là, qui comprenaient, entre autres, de Kill of Rights, Jacques Dupuis, ouais, qui œuvre comme guitariste avec Eddie Shiny au sein de la formation Kill of Rights actuellement. Lui était vocaliste à ce moment-là pour Countdown Zero, ainsi que Denis Anfield à la guitare, François Jutras à la basse, Mike Brisebois aux drums. Oui, Mike Brisebois qui figurait dans No Policy, justement. Et c'est ça. Ouais. Et précédemment, on avait eu Genocide de Québec, hein, qui avait été fondé avec des anciens Outbreak, eux qui ont ouvert pour la date du 13 février à Québec, pour le festival Nuclear Impact. On a entendu Chainsaw Slaughter du démo Chainsaw Slaughter de 1986. Et, pièce qu'on a réentendue, en tout cas, sous la forme de l'album de Dissection qui est paru en 89 sur Fringe, Final Genocide, que j'ai en vinyle ici d'ailleurs. Et puis, j'avais été fasciné par le nom des membres, dont Antisocial Zap. Ça, c'est... ça, ça m'a vraiment marqué. C'est le, c'est comme nom de musicien à ce moment-là. Ouais. Alors, en ce qui concerne Genocide, à ce moment-là, on avait One Way dans The Section également plus tard, le bassiste de son vrai nom, Marc Bouffard. On avait aussi Dave Fleet à la batterie. On avait General Zapp, justement, qui était le lead guitar, et de son vrai nom, Serge Gay, hein, un ancien Heartbreak qui est devenu Antisocial Zapp, justement, après. Et m'a toujours fait rire, ce nom-là. Antisocial Zapp, c'est incroyable quand même. Il y avait aussi le guitariste Heavy Kruger, Alain Amiot de son vrai nom, autre ancien Heartbreak qui est devenu Dr. Kruger dans Dissection, et le vocaliste Thrash de son vrai nom Florian Boutin. Et évidemment, mais c'était précédé de l'entrevue. L'entretien avec Johnny Hart qui nous parlait de ses souvenirs relatifs au Nuclear Impact Festival de la Saint-Valentin 1987 à Québec, à Montréal. Gang de chanceux si vous avez eu ça. Bon, voilà. Je vous avais dit qu'on retournerait dans l'ouest du pays, c'est-à-dire avec notre ami Denis Sasquatch Bart d'Aggression qui va nous donner les dernières nouvelles concernant le band. Et ce qui est à venir pour l'année qui s'en vient. Et également, on entendra évidemment la version 2016 d'Aggression dans un extrait de leur dernier album Fragmented Spirit Devils, paru en novembre dernier. Alors voici la suite de cet entretien avec Sasquatch. Fast forward maintenant, en 2017, Aggression, on sait que ça a été ressuscité dans l'ouest du pays, tout ça. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais parlé un petit peu des plans pour Aggression pour l'année 2017, mais qu'est-ce qui s'est confirmé depuis pour l'année qui s'en vient avec Aggression? Ben là, on vient de signer avec une agence de gérance de New York. Ah oui. Parce que vraiment, le mot puis Brian, le chanteur, il était avec Infernal Majesty avant, puis en tout cas. Oui. On était plus capable de il y a tellement de demandes, toutes sortes de demandes, soit des entrevues à la radio, du monde qui veut acheter nos chandails, nos CD. Puis on dirait que on va travailler à notre job, puis après ça, on n'a rien, puis là, ça nous prend notre job parce que tout le temps, on passe en train de m'aller des chandails et des CD partout dans le monde. Ah oui. Puis, on dirait que la demande. Tu sais que tu as besoin d'aide quand tu n'es plus capable. Tu sais, il y a du monde qui attend pour leur chandail, leur CD pour 3, 4 semaines, 5 semaines, à cause que j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps d'aller m'aller cette stuff-là. Puis, fait que, en tout cas, tu sais, comme je te dis, il y avait tellement de pression puis des demandes de shows. Là, on a déjà 4 festivals dans l'Ouest canadien cet été qu'on va être les headliners. Ah oui. On a été invité à trois autres festivals en Allemagne pour 2018. Puis un peut-être au mois d'août. Fait que c'était rendu quasiment trop gros pour nous autres. Ouais. Fait qu'on a signé avec EMG Management à cause que j'ai parlé à Flo Tryptopsy, j'ai parlé à Josh Staple du band Abnormality, j'ai parlé à Josh, le guitariste de Cattle Decapitation, puis eux autres sont tous sur EMG, puis ils ont juste des bonnes choses à dire de cette compagnie de gérance-là. Fait que j'ai envoyé un courriel, puis ils m'ont répondu tout de suite, ils ont dit envoyez-nous une couple de chansons. Qu'est-ce que vous faites, tu sais, quelque chose de récent. Fait qu'on leur a envoyé des chansons, puis tout de suite, ils ont aimé ça. Fait que là, notre représentant, c'est Mark, le guitariste-chanteur de Misery Index. Fait que c'est lui, vraiment, notre quand vraiment qui s'occupe de nous. On est avec la gérance IMG, puis il y a une équipe là-dedans qui fait toutes sortes de choses pour nous autres. Mais Mark, le guitariste de Misery Index, c'est lui qui s'occupe de notre day-to-day, nos opérations à tous les jours, puis il nous aide en tout cas, il nous aide à fonctionner. Puis en plus, avec nos plans pour 2017, comme tu demandes, la prochaine, on rentre en studio au mois de mars. On va enregistrer un EP de 5 à 6 chansons que Mark va aller à certaines compagnies de disques qui nous ont déjà envoyé des... Peut-être oui, qui sont intéressés, mais ils savent... Ça ne pas pour faire avec nous autres. Okay. En tout cas, il va aller frapper à la porte de ces compagnies-là pour essayer d'avoir un deal pour peut-être deux albums avec un des gros labels dans le métal. Là. Puis on sait de. Il n'y en a pas gros là, de gros labels dans le métal, il y en a peut-être quatre. Fait qu'on va essayer d'être sur un de ces quatre-là. Parce que c'est vrai, comme je te dis, la demande s'en vient tellement trop que nous autres, on n'est plus capables de suivre. Puis avec Mark et IMG, ils vont être capables de nous aider à aller aux prochaines étapes de notre carrière. Ah, c'est bien. Ça représente quand même des bonnes nouvelles. Puis un pas en avant pour vous autres avec tous les plans qui s'en viennent. Avant qu'on se quitte, je veux en profiter pour vous féliciter en fait pour l'album Fragmented Spirit Devils qui s'écoute très très bien. Il a fini quand même une popée position dans les tops de Subversion, puis également je veux te souhaiter bonne chance dans tout ce que vous allez entreprendre d'ici 2018, puis te remercier également pour ces beaux souvenirs de la Saint-Valentin 87. Ouais, vraiment. Puis mon travail, on travaille bien gros à essayer de venir à Montréal. Peut-être à l'été ou à l'automne, là. Ça me prend absolument, je connais bien avec toi et puis Wayne. Fait que, absolument. C'est ça le but que pourquoi j'essaie de booker un show à Montréal. Ouais. Ça va me donner une raison d'y aller. Ben on s'en reparle sans faute, puis d'ici là, on s'en donne des nouvelles, puis continuez comme ça. C'est bon, mon power. OK. Merci, Denis. OK, merci. À la prochaine. I can feel the turtle. c'était la formation Aggression, initialement de Montréal, devenue Colombie-Britannienne. Comment est-ce qu'on dit ça? Britannique-Colombienne, en tout cas. Bref, a été ressuscité dans l'ouest du pays par Denis Sasquatch Bart, à qui on a parlé aujourd'hui, pour le Nuclear Impact Festival 1987. Et également pour les dernières nouvelles concernant Aggression. On en a profité pour le faire. Alors, suivant la suite de cette entrevue, nous avons eu cette pièce d'Aggression tirée de leur tout dernier Fragmented Spirit Devils, paru le 10 novembre dernier. Entendu l'extrait Halo of Maggots. C'est de plus en plus bon, hein. À mesure qu'on l'écoute, on découvre des petits côtés qu'on n'avait peut-être pas compris la première fois. Puis, ouais, ça déménage, puis c'est bon signe. Ouais. Et ça, à surveiller sur Galley Records en 2017. Date non confirmée pour une sortie canadienne pour cet album-là. Où figurait justement Denis à la guitare, Ryan Murray à la batterie, Dave Watson guitare, Brian Langley à la voix et Martin Mayer en tant que bassiste. Il est temps de... Non, on ne se quitte pas tout de suite. On a encore trois autres chansons. En fait, on se donne le temps d'y aller avec trois autres chansons. On va y aller avec les formations. The Unconscious Mind, une formation de la Rive-Sud, dont le vocaliste, qui était un parfait inconnu pour bien des gens, avant dimanche dernier, lors de la présentation de l'émission de La Voix, Louis-Paul Gauvreau, qui est allé d'un tour de force, vraiment, en proposant une pièce de nécrophagiste, ni plus ni moins, en tant qu'audition. En tout cas, moi, je connais pas trop ça, cette émission-là. Je sais pas quelque chose que j'écoute vraiment, là. J'ai catché que quand il pèse sur le bouton, c'est significatif pour le chanteur. Là. En tout cas, et apparemment, Isabelle Boulay a eu vraiment le sens du timing, en tout cas, en pesant sur le truc, la finale, la chanson. Bref, pour ceux qui écoutent ça, ils comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais bref, on va entendre un extrait aussi de sa performance justement la pièce dans le Unconscious Mind que je vous propose à titre de référence, à savoir qu'est-ce qu'il faisait, c'est quoi son band original, qui apparemment n'était même pas au courant de son passage à La Voix à ce moment-là, le dimanche soir. On aura aussi cette nouveauté de ce groupe de Québec, Aeternam, qui nous propose encore une fois un album de haute qualité, Ruins of Empires. Mais d'abord, Sinister, c'est hollandais qui nous reviennent avec un nouvel album, Syncreticism, qui est paru sur Massacre Records. C'est un 13e album pour la formation. Ça sort le 24 février prochain. Et le seul membre original, en fait, c'est le batteur Ad Klosterwald. On va dire que c'est comme ça que ça se prononce. Le seul membre original qui joue sur les 13 albums. Il a fait également partie de la formation de Metal Extrême Witzer. C'est un album un peu différent du dernier. Ils ont fait exception de l'album de cover là, 2015. Oui, celui qui avait terminé numéro 1 dans mon top des albums de 2014. J'ai un blanc de mémoire là, concernant le titre de l'album. C'est poche, mais... Bon, bref. Pour cet album, est-ce qu'il est aussi bon que le dernier? Aux premières écoutes, peut-être pas. On voit qu'ils essaient de rendre ça un petit peu plus atmosphérique. Ils ont fait appel à un claviériste, celui qui fait des arrangements sur les albums de Monolith Dead Cult, Carson Altena. Bref, je vous laisse juger par vous-même. J'ai choisi une des bonnes pièces de l'album. On va entendre la pièce Black Slithering Mass de cet album, Syncretism. Syncretism. Ou The Sinister. Subversion. Underground Québec Radio. We'll be right back.

What a watch! We used to do. Tell us! C'était la formation de la rive sud, The Unconscious Mind, avec Where Philosophers Fall, pièce titre de leur album qu'ils ont fait paraître en 2012 sur étiquette. C'était-tu un album indépendant? Non, c'était une étiquette ontarienne, il me semble. CDN, c'est ça? Ah, ça alors, je suis toujours aussi professionnel avec mes notes, c'est incroyable. Ah, boy, ok. CDN Records, oui. Formation qui comprend Simon Gauvreau à la basse, qui est le frère de Louis-Paul Gauvreau, en passant le vocaliste qu'on a entendu dimanche soir à la fameuse émission La Voix. Ben, en tout cas, ben, y en a beaucoup que je connais qui ne l'ont pas entendu directement parce qu'ils n'écoutent pas La Voix. Mais là, à un moment donné, tu reçois un message et tu dis hey, « il y a eu du death metal à TVA ». Là, moi, je réponds « impossible ». Et là, il envoie un screenshot. J'ai juste le bas de la TV, tu sais, puis je vois comme Stab Wound, M. Swiss Maze. « Hey, c'est le gars de Nécrophagiste, ça se peut pas ». Et là, plus tard, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui avait eu le guts d'aller faire du Nécrophagiste à TVA dans une émission sur Heure de Grande Écoute. Quand même, c'est un tour de force incroyable, c'est un sans précédent au Québec et on doit vraiment féliciter Louis-Paul Gauvreau pour cet acte héroïque. Ouais, absolument, absolument. Figurait aussi dans ce groupe, du moins sur l'album, un autre Simon Clérou, guitariste, vocaliste également, responsable de la programmation de la batterie. Et Michael Racine, claviériste et responsable des orchestrations, très bien fait en passant. C'est précédé de Aeternam, formation de Québec, qui ont fait paraître Ruins of Empires, nouvel album paru de façon indépendante. Un troisième pour la formation. On a entendu l'extrait de Damascus Gate. Et on remarque, des très bons arrangements, une production impeccable. Ils sont vraiment bien entourés à ce niveau-là. Jeff Fortin. Au recording, au mastering et au mix également. Un peu sombre, un peu folk sur les bords, mais surtout axé sur l'orchestration à saveur orientale. C'est, à certains moments, c'est pas sans rappeler c'est quoi le band de Jérusalem déjà? Orphaned Land, yeah? Oui, c'est ça. Voilà. Et début de bloc, les Hollandais de Sinister qui nous reviennent en 2017 avec Syncretism. On a entendu l'extrait Black Slithering Mass. C'est un groupe qui... c'est Post-Apocalyptic Servant, le titre de l'album que je cherchais tantôt de 2014, qui avait fini numéro 1 en 2014. Je me demandais, est-ce qu'il va être aussi bon, aussi intense? À première écoute, je suis pas sûr. On dirait qu'ils cherchent à espacer ça un petit peu, là, à faire respirer ça un peu plus avec certaines atmosphères. Bon, eh bien, voilà. C'est ce qui conclut pour l'épisode de cette semaine. En espérant que vous avez apprécié le contenu et ce petit voyage dans le temps, encore une fois à la Saint-Valentin 1987 pour ce Nuclear Impact Festival. La semaine prochaine, Metal for Breakfast avec Mike TMG et le bourreau 2.0 Simon Girard lui-même. Spread the word pour Subversion. Je vous dis à la semaine prochaine. Partagez les épisodes sur SoundCloud et n'oubliez pas. Keep it metal. Salut, à la prochaine.